L'appât heureusement il va sans solider. L'appât tout blaguement il va fermer son cier. Son rêve dans son cœur pas maillé. Moi-même, il lève mes batailles vont lever. Il va fermer son ciel. Tis en pergassé, yeah, wow, la vie l'a fait, la vie l'a fait. Tis en pergassé, yeah, wow, la vie l'a fait, la vie l'a fait. Mienne son rêve dans son cœur pas maillé. Moi-même, il lève, mes batailles vont lever.